cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير باب في المحبة، فلماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الباب هنا؟ تفضل. شيخ الإسلام ذكر هذا الباب ليبين لنا أن المحبة هي العبادة، ومن صرف منها هو كافر مشرك. نعم، أن المحبة أي محبة عبادة، صرفها لغير الله شرك بالله عز وجل. وما هي هذه المحبة أي التي تكون عبادة لله عز وجل؟ تفضل. محبة التذلل والخشوع. نعم، الخشوع والتعظيم والتذلل لله سبحانه وتعالى، هذه صرفها لغير الله عز وجل شرك. On a pas le droit d'aimer une créature comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ay une mahabba fiha ta'zim, ay cette mahabba elle va pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre, à délaisser l'obéissance d'un autre si elle contredit l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا العلماء عليهم رحمة الله قسموا المحبة إلى أقسام، pour bien comprendre هذا الباب. لأن واحد il peut se poser la question، لكن on aime nos enfants، فأس que c'est du shirk؟ فالبعض ils peuvent penser que المحبة elle est على درجة واحدة، وربما لا يفهمون. On a cité un taqsim، qui c'est qui le résume؟ تفضل. نعم، محبة عبادة. عبادة. ثانيا محبة ليست بعبادة. محبة ليست بعبادة. La première catégorie تقدمت، et c'est المراد بهذا الباب. C'est pour ça que شيخ الإسلام رحمه الله il a cité هذا الباب هنا. وهذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. القسم الثاني محبة، لكن c'est pas من باب العبادة. تفضل. وهذه في الحقيقة سين عبادة كذلك، لكن السوي لبخمي قزم. فالذي أمرنا بحب المؤمنين بس الله سبحانه وتعالى. زيد إشفاق. إشفاق ورحمة. مثل ماذا؟ نعم، مثل حب الولد، هذه محبة رحمة وإشفاق إلى آخره. وذكر نوعا آخر شيخ ابن عثيمين، ما هو؟ محبة الإجلال. نعم، إجلال لكن بدون تعظيم. على كل حال المحبة منها ما هو عبادة، فهذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله، هذا سد الشرك. محبة طبيعية، ça peut être من باب الإجلال، من باب الإشفاق، tous les exemples qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. هذه معروفة، إنسان il aime son enfant، il aime ses proches، إلى آخره. ça peut être une محبة وفيها أجر عظيم، محبة في الله ولله، إيم المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. ça peut être une محبة محرمة، c'est pas du shirk، aimer le haram bien sûr sans le rendre halal. واحد il aime une معصية mais il sait que c'est haram، لكن il a des faiblesses فإلا aime cette chose فسي حرام. على كل حال المحبة ما هي على درجة واحدة، لا لابد من هذا التقسيم pour comprendre هذا الباب المهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي إزم leurs idoles comme les mouminins إزم الله سبحانه وتعالى. ça montre أن ils ont donné هذه المحبة العظيمة c'est une ibadah فيها تعظيم وإجلال والتذلل et ça pousse à adorer عياد بالله ils ont aimé leurs idoles comme on doit adorer Allah عز وجل هذا هو الشرك بالله سبحانه من يقرأ الباب c'est qui veut réciter هذا الباب وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ترضونها أرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره عن النساء رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين أخرجه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة وجد بهن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ولد مما سواهما وأن يحب مرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقضاه الله منه كما يكره أن يغدف في النار وفي روايتي لا يجد أحد حلاوة الحيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وبعد في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولم يجد عبد الطعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على وجه على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا ذكر رواه المجاري وقول ابن عباس في قول الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنه ما لقول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة أحسنت قال الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين Après avoir cité باب المحبة عليه رحمة الله il a cité un deuxième باب وهو باب الخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني الخوف من الله سبحانه وتعالى اسم عبادة عظيمة كما أن المحبة أي إم الله سبحانه وتعالى اسم عبادة عظيمة وهكذا الخوف منها عز وجل أي le craindre avoir peur de lui عز وجل قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القول المفيد Il a cité Al-Munasaba, et pourquoi Cheikh al-Islam il a cité Hadal Bab Huna, قال أن المؤلف رحمه الله عقب باب المحبة بباب الخوف لأن العبادة تتركز على شيئين المحبة والخوف وهذا تقدم معنا كثيرا في الدروس أن العبادة لفوندي sur ces deux piliers المحبة والخوف Bien sûr, pour qu'elle soit acceptée, لابد من إخلاص ومتابعة لكن العلماء يسيت أن المحبة سوى أنكراجي هذا العبد أدغي الله سبحانه وتعالى même s'il n'est pas forcé فلهذا تجد بعض الناس s'ils sont forcés à faire une chose ils la font s'ils ne sont pas forcés ils la font pas لماذا لأن ils ont un problème في المحبة مثلا telle chose elle est interdite il ne délaisse pas هذا الأمر لله ولأنهم يحبون الله et cette محبة elle les pousse à ne pas désobéir à Allah سبحانه وتعالى même s'il est tout seul dans un endroit et personne ne le voit il ne fait pas cette معصية لماذا طاعة لله لأن il aime Allah il ne veut pas lui désobéir لأن la désobéissance ça met Allah en colère عز وجل صنف آخر si ils sont accompagnés de certaines personnes qui peuvent leur interdire de faire telle chose, ils ne feront pas cette chose. S'ils sont tout seuls, ils font cette chose. Ils ont un problème dans ces deux points, al-mahabba wa al-khawf. Al-mu'min qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, même si personne le voit, il sait que Allah azza wa jalla, il le voit. Et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala qadirun alayh. Il peut le châtier. Il peut l'égarer. Il peut aveugler son cœur. Iyadan billah, wa lihada yakhaf minh. Al-mahabbatu wa al-khawf. C'est deux points essentiels fil ibad. أما بعض الضلال كما تقدم معنا من الصوفية يقولون أنهم إذا دخل الله سبحانه وتعالى بالمحبة أو الخوف عيادا بالله وهم إذا دخل الله سبحانه وتعالى فقط أو بلوتو يقولون أنهم إذا دخل الله سبحانه وتعالى بالرجاء أي لما عنده عز وجل والخوف كذلك من عقابه لا إذا ضغ الله سبحانه وتعالى لأنه مزام الله عز وجل وهذا سباطل فلا بد من محبة لا بد من خوف ولا بد من رجاء كذلك avoir peur d'Allah سبحانه وتعالى et de son châtiment espérer la récompense الجنة et كذلك tout ça بمحبة أي on aime Allah سبحانه وتعالى لماذا لأنه c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a donné c'est lui qui nous a guidé عز وجل Basharun Rubbama, il t'aide dans une chose, il t'aura un service. Peut-être c'est une petite chose. Lakin, ça te pousse à l'aimer. Tuhibbuhu. Limadha li'annahu, il t'a aidé, il t'a rendu service, il t'a facilité une chose, bi'idnillah. Ama balouk al-khaliq azza wa jal. C'est lui qui nous a tout donné et qui nous a facilité. Fa al-mu'min al-aqil. ولا شك أنه إلام الله سبحانه وتعالى لكن هذه المحبة لابد qu'elle soit limitée avec le kitab ou le sunnah لأن البعض يحبون ربما ils inventent des choses بدع et si tu lui demandes pourquoi il fait cette chose il te dit لأن il aime se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى il veut faire des efforts là ces efforts cette محبة ça doit être limité avec le Coran ou le sunnah من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحبة لا doit pas nous pousser à faire ce qu'on veut, même si c'est en apparence une chose de bien. أو الإنسان il a une bonne intention. لا. لأن الدين il est كامل et on doit suivre, ne pas inventer. Et plus l'إنسان il suit, plus Allah سبحانه وتعالى il l'aime. كما تقدم. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فست محبة قيدت بالاتباع كما في الآية cette محبة elle a été limitée elle a été précisée spécifiée avec le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم وهكذا الخوف أي le باب qu'on va voir ensemble aujourd'hui الخوف هذا ça doit pas nous pousser à faire ce qu'on veut ou des choses qui contredisent le Coran ou la Sunna قال الشيخ ابن عثيمين فبالمحبة يكون امتثال الأمر وبالخوف يكون اجتناب النهي. Avec la mahabba, ça va nous aider à appliquer. لماذا؟ لأن on aime. Quand tu aimes une personne, tu n'aimes pas désobéir à cette personne. مثلا tes parents. Tu aimes tes parents, tu n'aimes pas leur désobéir. أحيانا, il n'y a pas le choix. S'ils ordonnent de faire une ma'asiyah, on ne leur obéit pas. لكن هكذا طبيعة الولد par rapport à ses parents, il n'aime pas leur désobéir. فالرب عز وجل cette mahabba nous pousse à appliquer ses ordres. والخوف يكون أو بالخوف يكون اجتناب النهي. Avec la crainte, la peur, l'insan, il s'écarte des ma'asi. لماذا؟ لأنه يخاف من الله. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut le châtier à cause de son manquement, à cause de sa désobéissance. هذا الخوف إذا بإذن الله عز وجل لكارتي دي معاصي تسا كما قلنا بك الرجال إنسان كذلك إلي سبيغ فلهذا إفاد زفور قال ومناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد سيكزاكت مكم المحبة خوف منه خوف أي الخوف إلى ده أقسام فمن ذا أقسام خوف عبادة أي صعب أن أبليك التعظيم والتذلل إلى السوميسيون إلى آخره إيه يدي أقسام من الخوف طبيعي وهكذا الخوف si c'est une chose qui est basée sur rien فلا يجوز وسنقرأ كلام الشيخ سعدي رحمه الله إلى فصل avec un تفصيل جميل من on lit directement الشرح قال الشيخ سعدي رحمه الله ثم on reviendra إن شاء الله au متن et on lira كلام أهل العلم لكن من المناسب الآن c'est de lire كلام الشيخ سعدي أي son الشرح لماذا لأنه إلى cité هذه الأقسام قال رحمه الله قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك أي أن الخوف سيء عبادة dans un cas il va le citer. قال ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. لماذا؟ لأن c'est pas chaque خوف c'est forcément du shirk. مثلا سيأتي معنا si tu as peur d'une bête féroce est-ce que c'est du shirk؟ لا هذا c'est un خوف طبيعي الإنسان il a été créé هكذا il a peur de certaines choses. قال اعلم أن الخوف والخشية اعلم أن الخوف والخشية طارة يقع عبادة وطارة يقع طبيعة وعادة وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته c'est exactement le même تقسيم que le محبة ça dépend pourquoi هذا الإنسان il a peur c'est quoi le sabab de ce خوف si tu connais le sabab tu connaîtras quelle catégorie de خوف c'est Est-ce que c'est une ibada? Donc avoir peur d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. C'est pas une ibada, c'est quelque chose de normal. وهذا, c'est quelque chose de normal. ما في شيء. قال فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان هذا عياذا بالله سخوف سري أي أكن سبب أبار فمثلا البعض كما سيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ سعدي أنهم يزون بور de tel wali qui est mort il y a quelques années quelques siècles ربما Et ils ont tellement peur يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِبَعْضِ الْعِبَادَةِ Alors, s'ils ne font pas telle chose كَأَنَّ هَذَا الْوَلِي هَذَا الْمَيِّتِ il peut les châtier. هذا لا شك c'est du shirk. لماذا؟ لأن هذا الخوف c'est من حقوق الله عز وجل وحده. لماذا؟ لأن الله il est capable de te châtier. C'est pour ça qu'on a peur de lui. خوف سر. مثلا, est-ce que tu as vu un nar? Tu n'as jamais vu un nar. Et Jahannam, l'enfer, tu n'as jamais vu. Est-ce que tu as déjà vu le châtiment de la tombe? Tu n'as jamais vu. Lakin, tu as des textes. Et vu que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu crois à l'invisible, ça te provoque cette peur. Donc, avoir peur d'un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, khouf sir, il n'y a aucun sabab apparent. Il ne peut pas te faire de mal. Abadan, فلماذا avoir peur de lui avoir peur de lui في الحقيقة de ce مخلوق de cette créature c'est l'élever au niveau d'Allah سبحانه وتعالى هذا هو الشرك et c'est ça الشرك بالله سبحانه قال كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك بهذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله نعم أي لأنه أشرك غير الله مع الله قال وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه على خوفه الله كانه يموك من على خوفه من الله لعله يموك حرف من فعلى كل حال هذا سجد الشرك Le premier qism, al-khawf, qui pousse à la soumission, à se rabaisser, à adorer, فهذا il est khas بالله عز وجل. قال وايضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد ومن خشي غيره اي على هذا الوجه فقد جعل لله ندا في الخشيه كمن جعل لله ندا في المحبه. Ces deux abwab se ressemblent. فلهذا المؤلف رحمه الله il les a cités l'un après l'autre. اي الحكم c'est le même. S'il y a du ta'zim ila akhirih, ça c'est une ibadah. Aimer ou craindre autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. ثم des autres aqsam qui va citer, c'est la même chose que le mahabba. قال وذلك, il va citer un exemple, c'est tayyib pour nous éclaircir akthar. وذلك كمن خش وذلك كمن يخشى من اصحاب القبر ان يوقع به مكروها او يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. يخاف من صاحب القبر أي من الميت. Alors que c'est clair qu'il n'y a aucun sebeb, il n'y a aucun lien. En d'autres mots, ce mort, il ne peut rien lui faire. Pourquoi avoir peur de lui? Celui qui a peur d'un mort, c'est qu'il a une aqida. أن هذا الميت كما قال الشيخ سعدي أن يوقع به مكروها أي ce meyyit il peut lui faire du mal. مثلا est-ce que ce mort il peut restreindre un rizq, أي empêcher un rizq pour toi أيها العبد أبدا. فلماذا avoir peur de lui? Est-ce que ce meyyit il peut te châtier, te priver d'une chose? أبدا. Celui qui donne et qui retire, qui prend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, vous avez compris pourquoi هذا الخوف c'est du shirk. قال أو يغضب عليه. يغضب عليه, il craint que هذا الميت يغضب عليه. S'il ne fait pas telle chose. Alors que هذه الخشية, cette crainte, c'est لله عز وجل. نحن نكرا الله سبحانه وتعالى. أما البشر فلا. البشر لماذا؟ لأنه il ne peut rien te donner, il ne peut rien te prendre. C'est un bachar. Meyit, il est mort. Il est dans sa tombe, il ne peut pas être utile pour lui-même. Il va être utile à offrir du mal à un autre. قال فيسلبه نعمة. أي يخافون من هذا الولي. Pourquoi ils ont peur de certains morts? بعض عباد القبور. Ils ont cette عقيدة. هذا الميت, ربما il va lui prendre son enfant. Ou il va lui prendre ses biens. Ou il va lui prendre sa bonne santé. Ou هكذا. عيادا بالله. هذا الشرك. شركون لماذا؟ لأن إذن عقيدة أن هذا الميت يتصرف في الكون. Et ça c'est من خصائص الله. لأن qui c'est qui peut guider, qui peut donner, qui peut prendre, qui... c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un mort il peut pas faire tout ça. Un mort il peut rien faire de tout cela. فلماذا avoir cette croyance؟ قال أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. قال وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع, السبع كالأسد أو الذئب, أي أنيمال فيروس, que ça soit un lion ou autre, أو حية, un serpent, أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري, فهذا النوع ليس عبادة. Pourquoi? C'est quoi la différence entre هذا النوع والنوع السابق عند من؟ تفضل. أن السبع والحية ممكن يدوره. نعم, أن السبع والعدو أو الحية, que ce soit un serpent, un animal féroce, un ennemi, il peut te faire du mal. مثلا un ennemi est en face de toi, il te menace avec une arme ou autre. Ou un animal féroce, il est en face de toi et à tout moment il peut t'attaquer. لا شك أن القلب في هذا الحال ليس من طبيعة البشر, الإنسان لا يتكري هكذا سيخاف. لكن ينكز, c'est pour ça que c'est pas du shirk, il n'y a aucun mal, c'est normal. أما الميت, peut-être qu'il est enterré dans un autre continent à des milliers de kilomètres et tu trouves Basharun qui vit dans tel pays et il a peur du meyit alors qu'il n'y a aucun lien. ففي الحقيقة il a peur de lui. لماذا؟ لأنه il a une aqida أن هذا الميت il peut le châtier, il peut lui enlever telle chose. Cette aqida c'est du shirk. هذا الخوف c'est du shirk. أما s'il y a une cause qui pousse à la peur, une cause réelle, et il a cité trois exemples طيب, ou tu peux les classer en deux exemples, un ennemi et un animal féroce, فهذا واضح. Ou l'insan il a peur d'être brûlé, ou il a peur de tomber dans le vide, il est dans un endroit et il peut tomber, il a peur. Chaque personne normale il a ce khouf. قال فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين. نعم يوجد في المؤمنين وفي غيرهم et الناس تفوتوا. Tu trouveras certains, ils ont plus peur de tel animal, d'autres moins. À la kulli hal, tant que c'est quelque chose qui peut faire du mal, faut avoir peur. Ça fait aucun mal à l'iman, à la foi de la personne. قال ولا ينافي الإيمان. Ça contredit pas l'iman, هذا الخوف. وهذا أي الخوف إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. Aïe, si c'est un khawf muhaqqaq, aïe, il y a vraiment une cause qui peut faire du mal à ce insan, donc ça le pousse à avoir peur. Hada, ça fait pas baisser la foi. Et c'est pas haram. Et il n'y a aucun mal. Bel, c'est tout à fait normal. Hada, c'est le deuxième qism. Khawfun tabi'i. Le premier qism, khawfun ibada. Hada, c'est que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va citer un troisième qism, قال وإن كان هذا خوفا وهميا. Quelque chose de wahmi, c'est quelque chose qui n'est pas réel في الحقيقة. Alors que tu peux pas voir, c'est que des wasawis, c'est que des suppositions. وإلا في الحقيقة, il y a aucun danger. قال, il va citer un exemple pour t'éclaircir, quel خوف الذي ليس له سبب أصلا. وبعض الناس, ils ont peur de certaines choses et il n'y a aucun sabab. Pardon, ils ont peur du noir. Pardon, ils ont peur d'être seuls. Est-ce que le noir, ça peut te faire du mal? La preuve, c'est que la grande majorité des gens, ils dorment dans le noir ou ils sont dans le noir, et ça ne leur fait pas peur. Être seul, est-ce que c'est une cause pour avoir peur? Là, les mains, il n'y a aucun danger. Qala, ou lahu sababun dha'if. Ah, ça peut être un sabab, mais il est vaïf, ils ont peur de beaucoup de choses, et en fait, ces choses, ce n'est pas un sabab. Ah, le sabab, il est vaïf. Ah, cette chose, elle peut lui faire du mal. Vous avez compris, as-sura. Il n'y a pas de sabab, mais le sabab, il est vaïf. Ah, il n'y a pas de quoi avoir peur, en fait. Mais si quelqu'un a cette peur, fama al-hukm. قال فهو أو قبل ذلك فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء. هذا مذموم في الإسلام. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, لكن pour les hommes أكثر. لكن حتى النساء. Ça fait rentrer في وصف الجبناء. الجبناء c'est ceux qui manquent de courage. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن. قال في الحاشية فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à Allah سبحانه وتعالى qu'il le préserve, qu'il le protège contre هذه الأمراض أو هذه الأمور. الحزن, la tristesse, العجز, l'incapacité de faire telle chose, والكسل, أي la fainéantise, ومن الجبن والبخل, أي le manque de courage, والبخل c'est l'avarice. فالمؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى, il demande الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الطيب, لأن الجبن c'est un وصف مذموم خاصة في الرجال. قال وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع. Et ça, ça montre ضعف الإيمان. أما قوي الإيمان قلبه متعلق بالله عز وجل. Il place sa confiance en Allah سبحانه وتعالى. فلماذا il aurait peur du noir? ou il aurait peur d'être tout seul. C'est à notre époque. Les Annakathir Minanas, ils se sont écartés du Coran et ils se sont écartés des Afkar. Fata salat alayhim ou shaytan. Rubama yakhaf min shay tafih. Quelque chose qui n'a aucun lien, qui peut ne lui faire aucun mal, et il a peur. هذا الإنسان cet homme ou cette femme فهذا لا ينبغي et من ابتلي بهذا فيدعو الله سبحانه وتعالى il demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il écarte هذا الجبن منه il se manque de courage et il fait des efforts في العلم ويكثر من قراءة القرآن والأذكار النبوية إن شاء الله يحصل خير فهذا il est مدمو قال حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم ولهذا أتبعه بهذا الباب. Plus l'insan il est قوي, حتى الخوف ربما il a un سبب عظيم. Et tu trouves هذا المؤمن كإيمان قوي لمطمئن. وتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils ont vu le jihad et ils étaient attaqués par l'ennemi et ils étaient beaucoup moins nombreux et ils étaient cernés. Maintenant, في قصة الأحزاب وغيرها, et مع هذا tu les trouves, ils avaient طمأنينة, ils étaient calmes, ils étaient apaisés. لماذا؟ لأن قوة الإيمان. Plus l'insan il est en ضعف الإيمان, plus il aura peur de certaines choses qui ont un sabab. Et عياذا بالله, ça peut aller jusqu'à une chose qui n'a pas de sabab. Il n'y a aucun danger, lakin il est fi khawf. Pourquoi? لأن هذا القلب il est devenu ضعيف. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité après هذا الباب, قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. Et pour démontrer à l'abd, il doit placer sa confiance en Allah, enfin, il a cité une autre ibadah. Après la crainte, après la peur, التوكل. Et en tant que mu'min, tu ne dois pas craindre les créatures. Bien sûr, sauf si c'est quelque chose qui peut te faire du mal. On a donné l'exemple avec les animaux féroces. Il a akhir. Hada khawf tabi'i. Lakin on ne doit pas faiblir hatta on a peur de tout et n'importe quoi. Hada la yambari. L'insan yajib alayhi an yatawakkal ala Allah. Et plus l'insan yatawakkal ala Allah, plus il vivra. Bi idhnillahi azza wa jal firaha wa sa'ada. Avec hada le taqsim de Cheikh Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, on a compris, walillahi alhamd, an al murad bil khawf, c'est khawf al ibada. Amma les deux autres, c'est pas du shirk billahi azza wa jalla. Wahad, c'est normal. Et le dernier, al khawf al wahmi, fahada, il est madmoum, la yambari. On doit s'en écarter. Les manal, il n'y a aucune cause. On revient au matn. Qala Sheikh al Islam, rahimahullah. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان ça nous montre أن قوله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه أي il vous fait peur avec ses alliés فلهذا قال عز وجل فلا تخافوهم أي n'ayez pas peur de الشيطان et de ses alliés الشيطان il nous fait peur de plusieurs manières ou de plusieurs façons il te fera peur بالفقر la pauvreté il te fera peur par rapport à ton avenir خاصةً si tu fais des efforts في العلم et في العبادة il te fera peur et si tu fais pas telle chose même si c'est du haram peut-être que tu auras pas ton risque إلى آخر الشيطان il nous fait peur avec les ennemis كذلك أن si tu parles si tu dis le haq أنهم ils vont faire إلى آخر الله سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم n'aie pas peur de الشيطان et de ses alliés لماذا لأنهم ils sont pas على حق et ils veulent pas ton bien. Celui qui veut ton bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Et si vous avez l'Iman, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا? لأن c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de châtier, qui est capable de guider. أما الشيطان et ses alliés ne peuvent rien faire. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله قوله إن كنتم مؤمنين. Et n'ayez pas peur de Shaitan et de ses alliés et craignez Allah si vous êtes des mu'minin. Si هذا الخوف من الشيطان c'est خوف شرك comme on a vu dans les أقسام فقوله إن كنتم مؤمنين هنا c'est نفي أصل الإيمان. Et celui qui a peur de Shaitan خوف شرك il a plus d'Iman. C'est plus un mu'min si c'était un mu'min. Si deuxième cas قال وإلا فهو مناف لكماله. Si la peur de Shaitan ou de ses alliés, lakin, c'est pas un khawf shirk. Hala, c'est une ma'asiyya, c'est haram, et ça fait descendre son iman. Mathalan, بعض الناس, الشيطان يوسوس له أنه dans son travail, s'il fait pas telle chose, il va être renvoyé, il a agré, وربما يضعف, et il a peur, il fait une ma'asiyya, ou il délaisse un wajib. Hala, c'est pas du khawf shirk. لماذا؟ لأنه لا با أدغي أترك الله سبحانه وتعالى لكن son خوف لا بوسى فيه المعصية ودلس طاعة فهذا سحر فهذا on peut le rajouter dans التقسيم بعض العلماء il le cite خوف qui pousse à faire une معصية alors que في الحقيقة s'il aurait délaissé cette chose il n'y a aucun danger contrairement à l'écrah ne pas confondre l'écrah c'est être forcé tu n'as pas le choix واحد يتفرص فيه المعصية ففي هذا الحال تمعذور أما مجرد خوف كثيرا في الحقيقة ça peut rentrer dans le وهم مثلا si on ne fait pas telle chose au travail et ce patron il peut nous renvoyer في الحقيقة il n'y a pas à avoir peur il n'y a aucun danger s'il te renvoie فالله سبحانه وتعالى c'est lui الرزاق عز وجل tu trouveras un autre travail ربما أحسن فالله il n'y a pas à avoir peur في هذا الحال. S'il te dit fais telle chose de haram ou délaisse tel wajib, tu lui expliques que là, ta'atullah subhanahu wa ta'ala passe avant. Et bien, on n'a pas le droit de faiblir et d'avoir peur, de craindre. L'imam d'Aliyana ou Saint Bachar, peut rien te faire. Rubbama, tu lui obéis. Tu fais une ma'asiyya et l'entreprise, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, elle coule. L'imam Allah subhanahu wa ta'ala, biyadihi kulli shay, amma ce patron, haqira, c'est un abd va'if. هذا بيان كومبروند هذا اما خوف الشرك سانول الايمان اصلا كما قال الامام العثيمين رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله سيشهد ولم يخش الا الله الخشيه والخوف ساسوغسون فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الخشية نوع من الخوف الخشية نوع من الخوف vous avez remarqué que الخشية ساسوغسون الخوف لكن بعض العلماء يسيتي دي ديفيرونس الشيخ ابن عثيمين يسيتي فائدة جميلة في هذا أي لين entre الخشية والخوف. Tu peux traduire الخشية par la crainte والخوف par la peur. قال لكنها أخص منه. La خشية c'est plus spécifique que الخوف. أي الخوف c'est plus global. Et la خشية rentre dans الخوف. قال الفرق بينهما la différence. Il a cité deux points. أن الخشية تكون مع العلم. الخشية elle est précédée de علم de science أما الخوف ça peut venir d'un جاهل فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Vous avez remarqué que هنا في حق العلماء الله سبحانه وتعالى قال يخشى. Ça nous montre أن الخشية elle est liée avec العلم فالخشية c'est un degré élevé في الخوف. أما الخوف سابيت دان جاهل مثلا الجاهل يخاف لكن كنت سيبخيسي دو علم سيبلو فوق الخوف سي الخشية. قال والخوف قد يكون من الجاهل ميم سي لا با د علم ربما يخاف. أما الخشية سانيفو أو دوسو هذا سي لو بخوميي بوان بور لي ديفيرونسي. ثانيا أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي أي الذي تخشى منه تخاف منه قال بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف قد يكون من ضعف الخائف الخشية الذي يخشى الله سبحانه وتعالى pourquoi يخشى الله سبحانه وتعالى لأن الله عظيم il sait qu'Allah il est capable de tout فيخشى فcest pour ça que Allah il a qualifié les ulama بالخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء قال أما الخوف قد يكون من ضعف الخائف il peut avoir peur خوف لكن في الحقيقة cette chose dont il a peur il n'y a aucun sebeb C'est pour ça qu'on parle de khawf wahmi, on ne parle pas de khashya wahmiya. Le ulama, quand il qualifie al-wahm qui est lié au khawf, ils disent pas khashya. Et n'am. Bah, les gens, comme Adam, ils ont peur du noir. Khawf. Ils ont vraiment peur. Là, il n'y a aucun sebeb. Pourquoi avoir peur du noir? Fais hadha al-hal, tu ne peux pas dire khashya. Tu ne peux pas dire yakhsha min kadha. Là. Hadha kalam jamil. Wa illa va. Ça se ressemble à l'khouf ou l'khashia. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité hadhihi al-aya fi bab al-khouf. Qala rahimahullah wa qawlihi wa min an-nas man yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. Qala al-Imam Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah fi sharhih, il a un sharh jamil ala kitab tawhid, mukhtasar et nafi' jiddan. Qala مناسبة الآية للباب هذا ذم لهم وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبر بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله C'est ce qu'on a expliqué خوف المعصية بعض الناس كما قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله أي سي واحد Il lui dit de faire telle chose haram ou de délaisser tel wajib, ça arrive kathiran quand tu as une maslaha mathalan au travail. Il a peur s'il ne fait pas telle chose, il va perdre des biens ou de l'argent. Il a un ضعف في l'iman. فلهذا قال عز وجل جعل فتنة الناس كعذاب الله. الإنسان دائما يتدبر مثل هذه الآيات. إن هذا البشر يبغيان طالب أخي الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا الرزق سبيد الله سبحانه وتعالى ومن أسباب الرزق سالطاعة قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهذا مذموم لأن الواجب أن يتقي الله وإذا أوذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية et si quelqu'un veut lui faire du mal veut lui enlever un حق il essaye de régler le problème الأسباب الشرعية des causes qui contredisent pas الدين أما faire du haram ou délaisser un wajib parce que فلان nous a fait du mal هذا c'est pas la solution أبدا c'est pour ça que في الحقيقة c'est pas avoir réglé le problème comme من الناس ils sont touchés par des problèmes لكن ils savent pas les régler حتى البعض pour se sortir d'une situation il est dans des problèmes il fait du haram ou il délaisse al-wajibat et il pense qu'il a réglé la solution c'est une fitna et il dit là on revient à ahl al-ilm on demande conseil nasbir obligé qu'on se fasse éprouver là on est vu dar al-bala dar al-imtihan amma ba'd an-nas la yasbir خاصةً plus l'insan il s'accroche à son din plus il est éprouvé فلهذا قال عز وجل ومن الناس ما يقول آمنا بالله celui qui dit آمنا بالله ceux qui disent plutôt آمنا بالله et ils veulent faire des efforts في دين الله عز وجل on doit tous savoir أن الابتلاء viendra فلهذا قال عز وجل فإذا أوذي بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل plus l'insan il s'accroche à son Dieu plus il sera éprouvé فهذا الأذى fait attention de ne pas faiblir أخي الكريم et tu fais du haram ou tu délaisses des obligations pour te sortir de cette épreuve c'est pas une solution أبدا الصبر أولا At-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jall. Ça viendra inshallah dans le prochain bab. Kadhalik trouver des solutions. Lakin des asbab shar'iyya, comme qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Hakadha avec le temps, bi'inillah 'azza wa jall, insan il trouve une solution. Amma se précipiter, faiblir et directement abandonner, limada, si on prend l'exemple du travail, les anna, ça fait longtemps qu'il cherche du travail, il a peur de se faire renvoyer. Si tu meurs, Akhil Karim, il ne te renvoie pas, tu as fait ce haram ou tu as délaissé cette obligation. Khassatan as-salat. Comme les gens, ils ne font pas salat à l'heure à cause du travail. Si tu meurs, qu'est-ce que tu vas gagner? Est-ce que ce travail, tu vas l'emporter avec toi? Est-ce que ce salaire qu'il te donne, tu vas l'emporter avec toi? Wala shay min hada. Fattaqillah. On doit faire des efforts. On doit penser à la mort. À tout moment, l'ange de la mort, il peut venir. Enfin, délaisser la salat à cause du travail, c'est pas quelque chose de simple. C'est très très grave. Ba'dannaz, ils essayent de trouver des excuses. Lakin, c'est une daroura. Lakin, ça fait longtemps que je cherche, j'ai besoin. Tout ça, c'est ba'tel. Tout ça, c'est mina shaytan. Comme a qala azza wa jal, innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a. يخوفكم il vous fait peur avec ses alliés. قال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني. Craint Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme جاء في الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Celui qui délaisse صلاة العصر, Allah il lui annule ses œuvres. Bien sûr, les ulama ils ont كلام كثير على هذا الحديث. لكن الوعيد il est شديد. Une salat. Une salat, enfin, celui qui a compris ce verset, ça y est, khaf min Allah, jamais il délaissera la salat. Une. Léna, ce patron, Obama, il veut que tu délaisses salat. Peut-être qu'il va te garder, peut-être qu'il va te prolonger, tu vas gagner une somme qui vaut rien par rapport à l'akhira. À l'akhira, là, qu'il n'oublie pas ce que tu risques de perdre, fidinik. Peut-être que tu vas travailler 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, tu mourras, akhil karim. Ah, c'est très très important, mitl hadhihi al-abwab. Pourquoi? Vous avez remarqué que ça traite tous ces sujets qu'on a vus dans ce livre, ça traite des choses qui sont liées au cœur. Vous avez remarqué, at-tawakkul wal-khawf wal-raja, tout ce qui est lié au tawhid ou au shirk, c'est dans le cœur. Et bien sûr, des a'mal kadhalik. Enfin, soigner ce cœur, traiter ce cœur, c'est min al-muhim. Belle, c'est la chose la plus importante. Le travail, ça vient, ça part. Comme les ils ont trouvé du travail, il y a une crise, il n'y a plus de travail. Ou pour un seb parmi tant d'autres, il se fait arrêter, il a akhir. Comme les nazis, ils n'avaient rien, du jour au lendemain, ils trouvent du travail. C'est ça. On ne doit pas mettre ça comme priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts via del bab. Là, celui qui a besoin, il a besoin. Lakin, le mettre comme priorité. Et mettre la religion, l'islam, en seconde place, c'est-à-dire, si je peux faire salat, si on prend l'exemple de la salat, si je peux faire salat au travail, je la fais. S'il y a un obstacle, je délaisse salat et je continue de travailler. Wa'adhum, il rattrape les salawat fil layl. Ah, dans le haqiqa, il a un problème dans son cœur. La priorité, c'est le salat. Travail, ça vient après. Fa'liha, le travail doit être par rapport à salat. Quand il dit ah, mais c'est difficile à notre époque. Non, ça peut être difficile, khassatan dans certains endroits. Lakin, fais les efforts. Essaye. Et tu verras, en Allah Azza wa Jalla Karim. Celui qui a une bonne niya et qui fait des efforts, il trouvera. Comme min al-muslimin, walillahi alhamd. Que ce soit dans des pays musulmans ou autres. Annahum, ils travaillent, walillahi alhamd, ils font salat à l'heure. Ils font salat au majid et ils ont leur risque. Fakat, mais comme priorité, ce qu'on vient de citer, en se basant sur ces preuves, et fais les causes et tu verras. C'est Allah qui donne. Celui qui t'a ordonné de faire salat à l'heure, et pour les hommes au masjid, c'est lui qui donne le risque. Enfin, elle est où la contradiction? La contradiction, elle vient de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire as-salat. Fait le masjid, il a akhiré à l'heure, avec des conditions, il a akhiré. Kadhalik, il a promis azza wa jal de te donner. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Crains Allah, وقت. Parmi la crainte d'Allah, c'est de faire salat à l'heure. Et Allah, il a promis, يَرْزُقُهُ. il te donnera min haythu la yahtasib. Tu t'y attends pas, Obama, de d'où ça va venir. Allah, il te donnera. Faqat obéi. Ahada. Il n'y a aucune contradiction. La contradiction, elle vient de nous. Et kadhalik, la précipitation. Wa'adhum, Obama, il s'est fait arrêter d'un emploi. Et la précipitation. Et le manque de patience. Thumma, shaitan, il lui embellit les choses et il lui fait peur avec d'autres choses. Et il pense qu'il a trouvé la solution. Mais, Alhamdulillah, je rattrape la salat chez moi. Wa'adhum, il rattrape les 5 salawat ou 4 salawat la nuit. Le soir, هذا الحقيقة إلى في باس العمل أفن صن دين يد بالله ثم قال انتهى كلام شيخ بن باز رحمه الله دون صن شرح قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتيك على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث لضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمه الله المرفوع وكذلك الموقوف لضعيف أو plutôt c'est après سيأتي معنا للموقوف سابقا أما هذا نعم لضعيف شديد الضعف لكن أثر عائشة il lui ressemble هذا il l'a cité après قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه نعم والعلماء اختلفوا في ضعفه بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه والصواب سكيل ضعيف مرفوعا الصحيح أنه لموقوف عن عائشة رضي الله عنها والإمام الألباني رحمه الله يصححه موقوفا ومرفوعا كما في التحقيق فعلى كل حال بعض العلماء يصححون هذا الحديث والذي يظهر سكيل صحيح عن عائشة أي سلا باغول دو عائشة رضي الله عنها قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله أي خوفا منهم c'est pour ça qu'il a cité هذا الأثر هنا قوله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أي ça revient à ce qu'on a dit précédemment مؤمن son دين c'est sa priorité Son objectif, ça sera Ridallah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens ne sont pas satisfaits, que ce soit son patron, ses proches, si on garde l'exemple du travail, alors Bama Houa veut faire salat à l'heure. Son patron, il ne veut pas. Qalat Aisha radiallahu anha, man iltamasa Ridallah bi sakhatin nas. Et le fait qu'il fasse cette salat, bien sûr, c'est pour satisfaire Allah Azza wa Jal, Rubama ça va provoquer la colère de telle personne. Qalat radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala il sera satisfait de lui et كذلك an-nas. Faqat ça demande de la patience. Kam min an-nas au départ. Khassatan fi bidayat al-istiqama. Quand tu commences à faire des efforts fil ilm ou fil ibada, peut-être que certains membres de ta famille n'acceptent pas telle chose, il a akhiré, esmir. Et une bonne intention, fais des efforts. Et tu verras que beaucoup de choses, elles changeront. Hatta beaucoup de choses, ils n'étaient pas d'accord au départ, quand ils verront le changement, ils sont sérieux. Et bien sûr, nous, on ne fait pas ça pour eux, on fait ça l'Allah. Lakin, bi idnillah azza wa jal, ils accepteront et seront satisfaits. Thumma qal wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah. بعض الناس عيادا بالله ils veulent pas que un tel y soit fâché ils veulent pas contredire un tel même si c'est en désobéissant Allah subhanahu wa ta'ala قالت رضي الله عنها سخط الله عليه واسخط عليه الناس لماذا لان القلوب c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide combien de personnes ils ont essayé de satisfaire telle personne en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, thumma cette personne elle-même, rubbama, elle le critique. Ou elle n'est plus d'accord avec lui. Haqiqa, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne qu'il a voulu satisfaire, elle n'est pas d'accord avec lui. C'est un va'f l'iman. Mais celui qui patiente, falhamdulillah. لأن si Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais partie de ses awliya, de ses alliés, Allah il est ma'ak. Allah il est capable de guider un tel, Allah il est capable de te débarrasser de un tel. وهكذا تفراح. Mais si tu veux prendre comme allié un va'if et tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tourner vos cœurs. Enfin, cette personne dont tu étais proche, Rabbama, ça devient, elle devient un ennemi pour toi. هذا هذا الأثر في الحقيقة في فوائد كثيرة بعض العلماء كما قلنا يصححونه مرفوعا على كل حال لا شك أن المعنى للصحيحة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى. نصيحة طيبة. لا priorité ça doit être notre dîn. Mais comme priorité, al-khouf min Allah. Celui qui est d'accord, alhamdulillah, khasatan si c'est des proches. Celui qui n'est pas d'accord, si c'est des proches, le bon comportement, on ne désespère pas, on leur montre. Et si c'est quelqu'un qui veut du mal et ce n'est pas un proche, fala touba alibé. Il ne peut rien faire. Mais des sacrifices, des concessions sur notre dîn, pour satisfaire un tel, qu'est-ce qu'il va te donner? Si tu meurs, est-ce que ton patron ou un autre, il va venir t'aider fil qabr? Tu seras tout seul. Celui qui peut t'aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire attention. On vit à une époque, on a ses priorités, iyadam billah, katilum minan nas, ils les ont perdus. Qala shaykh ibn Uthaymeen, wa an ya'lam anna man iltamasa ridha Allah wa in sakhita an-nas alayh fal'aqibatu lah. Na'am, al'aqibatu lilmuttaqin. Hakadha qala 'azza wa jalla. Al'aqiba, c'est la fin. Li'anna même si tu souffres, celui qui veut appliquer son din, il veut appliquer son sunnah, la chèque sera certain à notre époque, et khasatan fi bilad al-kufr akthar, il y aura des obstacles. Il y en a kathiran min al-nas, huna qui n'aiment pas de din, que ce soit au travail ou autre. Lakin pense à l'aqiba. Ils vont te combattre un jour, une semaine, un an, 10 ans. Fais des efforts. Si tu es fi bilad al-kufr, déplace-toi. Et fi bilad muslimin, si tu rencontres des problèmes, et tu rencontreras des problèmes, les ashrar, il y en a kadhalik bilad muslimin, même si c'est moindre par rapport à bilad al-kufr, esbir. Pense à l'aqiba, pense à la fin. Un jour tu mourras, un jour tu seras dans ta tombe. Si tu as patienté et tu as tout fait pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, falhamdulillah, l'aqiba sera pour toi. Et la bonne fin, al-jannah. Qabla dhalik fi al-dunya, al-raha wa al-tuma'nina fi al-qabr kadhalik. الأمن والأمان من عذاب الله يوم القيامة هذا العبد يغنطخها في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم أسخط الله وانقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصودة. أما si il veut satisfaire les gens, Allah il est capable de tout. Et cette personne qui veut satisfaire les gens pour avoir telle chose, elle n'arrivera pas à telle chose. Sauf si Allah il le veut. La haqiqa, c'est mina shaitan. Shaitan, il nous fait peur avec l'avenir, il nous fait peur avec le travail, il nous fait peur dans beaucoup de choses pour nous égarer. Fali hadha at-tawakkul, c'est important. Celui qui haqqaqa at-tawakkul, il arrivera à patienter. Limadha li'annahu yatawakkal 'ala Allah. Et c'est pour ça que al-mu'allif rahimahullah, il a cité bab at-tawakkul après al-khawf, et ça sera notre prochain dars bi'idhnillah 'azza wa jalla. نكتفي بهذا القدر ونقص على notre deuxième درس بإذن الله عز وجل والحمد لله.